ne sais pas quoi jouer. Je garde mon texte. Toujours là auprès de toi. crois, je le sens. Je résonne comme un enfant. Tu ne dis rien, tu le sais. Personne sur terre est parfait. Et on repart de plus beau.